Party Live. Bonne soirée à tous. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy Live. Les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy.